Depuis le premier jour soudé, des petits on était collés. On s'était promis qu'on restera liés. Éviter les guérillas, marcher ensemble comme des siamois. T'as toujours été mon frérot, nos liens sont durs comme fer. Je pensais que cette idée c'était la vérité. Je croyais que rien au monde pouvait nous diviser. Je savais que les jaloux ne faisaient que jeter. Je ne te vois plus. On avance dans l'âge, mon frère, je ne te sens plus. Comment ça se fait que t'étais facilement influençable?